Yo, à la fin, mettez mes cendres dans un encrier. Si c'est l'enfer, j'entends les anges crier. Mille merci et une profonde reconnaissance à ce move qui m'a forgé. Le hip-hop a su réveiller mes sens, fourni l'essence nécessaire pour démarrer mon moteur de CR. À staff mon frère, je suis sincère, bien loin du niveau de Césaire, mais je prends un plaisir fou à être l'auteur de ces vers. Plus 20 piges que je danse avec cette grande dame. La zik m'a montré plus de charme qu'un tapin de luxe de Rotterdam. Fait en enterre l'homme, mes lames dansent à l'infini. J'ai sali plus de feuilles que Conan de la Katsuki. Mais ça n'a pas suffi à étancher ma soif. T'as qu'à me servir un petit rhum qui décoiffe. Si la trachée le foie s'arrache, dommage collatéral de la rage mise sur ses pages gribouillées. J'crois que j'aurais jamais fini de crier. On va se calmer, j'suis pas encore cané. Mais à ma mort, s'il vous plaît, mettez mes cendres dans un encrier. J'ai la parole qui tue comme le roi des inhumains. Demande à Hanuman, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Solo mirare, solo lo so come arranca la grimace. Tu le sais. J'ai la parole qui tue comme le roi des inhumains. Demande à Hanuman, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Solo mirare, solo lo so come arranca la grimace. Oui c'est sûr qu'un de ces quatre vous quitte trop tôt. Y'a pas de quiproquo, j'ai le flow reconnaissable comme le petit croco. J'fais pas le mégalo, mais dans cette vie j'suis pas le mec à l'eau dans la réssoir. J'bricole mon truc comme un mécano matin et soir. A la fin je sais que la mort va mettre à terre. Nouvelle météorite, j'vous laisse baptiser mes cratères. J'ai le son qui baffe les gens, toi tes rappeurs sont affligeants. De Panama à New York en passant par Abidjan. Ta peau cravachée, ce monde est grave à chier. Tu peux gueuler à ton péter la trache et on va se clasher. Et ça fait mal au cul comme les hémorroïdes. On est entouré de cons comme les hémorroïdes. Je lutte avec des rimes gonflées aux stéroïdes. Toi et Wam, on est pareil si t'es trop ivre. Vas-y, essaye d'avoir une life stable et sûre. Si tu vois du sang par terre, peut-être que c'est ta blessure. J'ai la parole qui tue comme le roi des inhumains. Demande à Hanuman, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Solo mirare, solo lo so come arranca la grimace. Tu le sais. J'ai la parole qui tue comme le roi des inhumains. Demande à Hanuman, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Solo mirare, solo lo so come arranca la grimace. J'ai la parole qui tue comme le roi des inhumains. Demande à Hanuman, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Solo mirare, solo lo so come arranca la grimace. Soldat toujours sur le champ de bataille. Blackjack, Zeri, jamais on se taille. J'ai pas dans le